Caprice de lecture sur Fadjet, animée par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Caprice de lecture où aujourd'hui je reçois un invité différent de tous mes autres invités parce que je reçois Mathieu Olmedo. Bonjour Mathieu. Bonjour. Qui est chargé de coordination pour le festival Poema. Jusqu'à maintenant, j'ai tout juste. C'est parfait. Bon, alors Mathieu, je suis ravie de vous recevoir pour qu'on parle de cette très belle manifestation. Alors, comme d'habitude, Caprice de lecture va se décomposer, on va dire, en trois grandes parties. Il y aura cinq questions qui sont entièrement dédiées au festival. Et puis, on va faire après le caprice de la semaine, donc qui peut être une lecture que vous avez faite, une poésie, qui peut être quelque chose que vous avez envie de faire partager à nos auditeurs. C'est super. Le programme vous convient. Parfait. Ok, alors on y va. Mathieu, comment est né ce festival, le festival de la poésie d'aujourd'hui, donc qui s'appelle Poema? Eh bien, c'est un festival qui est né, là c'est la 9e édition, donc qui est né il y a à peu près 10 ans maintenant. D'accord. L'origine est simple, c'est que Franck Doyen et Sandrine Gironde, qui sont les directeurs artistiques du festival, ont souhaité présenter la diversité des poésies contemporaines. Et donc, c'est un festival qui veut avant tout montrer ce que sont les écritures poétiques d'aujourd'hui. D'accord. Sachant que ce que nous souhaitons faire, c'est valoriser vraiment la diversité, la multiplicité des écritures, tout en montrant au public que la poésie est vivante. Et donc, c'est essentiellement inviter énormément d'artistes, écrivains, auteurs, poétesses, performeurs. Ok. Voilà, dans toute la notion hybride que la poésie d'aujourd'hui peut représenter, parce que souvent on en a une représentation assez figée, celle qu'on a vue un petit peu à l'école ou à l'université. C'est tout à fait ça, c'est la question que j'allais vous poser. Quand on parle poésie, on a en tête pas quelque chose de très ludique en fait. Oui, complètement. Oui. On a ces visions qui ne sont pas forcément toutes éculées, c'est une pratique. Oui. Mais disons que l'ambition, c'était d'essayer de montrer qu'elle avait sa place dans les territoires. Et Poema, c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est un festival situé dans le Grand Est, plus précisément dans des zones où la poésie n'est pas forcément toujours accessible. D'accord. Donc énormément en campagne, et puis aussi dans les zones un petit peu traditionnelles, là où le livre est plus présent, c'est-à-dire les médiathèques, les librairies, au détour de rencontres, de lectures, de conférences. Okay. Voilà, oui, puisque vous proposez un large panel. Oui. Alors, pour rappel, le festival a débuté le 16 mars, se terminera le 22 juin. Voilà, c'est ça. Ça. La cérémonie d'ouverture, alors l'inauguration, a eu lieu le 16 mars au Musée Aquarium de Nancy, en présence de Laurence Biel et Vincent Tolomé. Est-ce que le public a été au rendez-vous avec cette crise sanitaire qui n'arrêtait pas de nous faire des blagues? Eh bien oui, puisque ça fait quand même 2 ans que l'inauguration a souffert en fait de ces conditions. Laurence Biel et Vincent Tolomé sont donc deux auteurs belges qu'on a invités pour une prestation commune, on va dire. D'accord. Où ils alternaient performances, lectures, choix musicaux, etc. Et puis effectivement, le public était au rendez-vous. On a compté à peu près 140-150 personnes, sachant que la soirée était organisée en deux temps essentiellement. Mm-hmm. Il y avait des discours prévus dans la salle au premier étage du Muséum Aquarium de Nancy. D'accord. Que nous remercions encore, parce que c'est vrai que c'était un partenaire important. Et puis après, dans l'amphithéâtre Cunéo, où là, il y avait vraiment les performances et qui ont vraiment séduit le public. Quoi, c'est cette des année. Lieux très prestigieux. Oui. C'est les lieux s'y prêtent, c'est super chouette. Tout à fait. Les années précédentes, le centre culturel André Malraux avait déjà accueilli l'inauguration de D'accord. Poema. Donc là, en tout cas, c'était un lieu intéressant, parce qu'en plus la dimension animalière est très présente maintenant dans la poésie et puis dans les questions de société. Oui. Également. Donc c'était chouette de pouvoir œuvrer dans cet endroit. C'est super. On va faire une petite pause tout de suite avec Kungs, Clap Your Hands, et on revient tout de suite. Sing on. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans Caprice de lecture pour cette deuxième partie d'émission, toujours en compagnie de Mathieu Olmedo, chargé de coordination pour le festival Poema. Mathieu, j'avais une autre question pour vous. Dans ce festival, donc, quand on lit la programmation, il y a des temps forts, hein, il y a des débats, des rencontres, des conférences. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dévoiler quelques petits bijoux ou quelques temps précieux qui sont prévus au programme ? Eh bien oui, absolument. Alors, juste pour préciser, donc Poema, c'est à la fois le temps long, parce qu'il y a des résidences d'écriture où on invite des auteurs qui peuvent lire, écrire de la poésie, et puis faire participer les acteurs de territoire. Mm-hmm. Donc, un exemple concret, actuellement, on a l'écrivain Patrick Dubost, qui a travaillé longtemps, qui a animé longtemps des ateliers d'écriture, et qui, en partenariat avec la Comcom Seille et Grand Couronné, va se balader dans différentes structures. Donc, on a plein de partenaires associés, la bibliothèque départementale, la bibliothèque de Dieu-Loire, Loisy, Nomni, etc. Et donc il va travailler avec des scolaires, mais aussi avec des habitants, et il y aura une restitution donc à Bouc lors du festival de clôture, enfin, en tout cas la journée de clôture du festival Poema. Et au sein duquel en fait il y aura une restitution, et il y aura également une autre restitution en amont aux alentours du 17 juin. Voilà. D'accord. Donc en fait, vous touchez tous les publics. Absolument. Ouais. On essaye de créer un éventail assez large. Ok. Pour sensibiliser à la poésie aussi. Oui. Hein? C'est surtout en plus. Essayer de d'éveiller les consciences et éveiller aussi l'aspect créatif en fait des jeunes, parce que ça joue à la racine, et donc voilà, mais toujours dans une dimension ludique, intelligente, et puis de contact avec les personnes, et puis interactif, parce que vous leur demandez de créer des choses. Absolument. Donc ça, c'est chouette. Et indépendamment de ce temps long, il y a donc le temps du festival à proprement parler, donc de mars à juin, où là, par exemple, donc dans le cadre du livre à Metz, on va inviter deux poètes, l'un syrien, Omar Youssef Souleyman, et l'autre haïtien, James Noël, qui vont échanger. Donc là, ça va plutôt être du débat de société. Il existe aussi des ateliers, des workshops, on travaille avec des écoles d'art. Il y a une dimension sociale à Poema, puisque on intervient parfois dans des... Enfin, les auteurs qu'on invite interviennent parfois dans les milieux carcéraux ou dans des centres de santé. Donc voilà, il y a une sorte de spectre assez large qui est tout à fait intéressant. Je pense à la première conférence avec le poète syrien et le poète haïtien, avec une façon d'écrire qui doit être totalement différente. Oui. C'est une belle confrontation sociétale et... littéraire, quelque part, oui, en voilà, fait. C'est ça, c'est une rencontre à proprement parler, puisque voilà, c'est deux pays en souffrance, qui ont connu des drames récemment. Et avec donc, des cultures et des coutumes différentes, donc une écriture est différente. Ouais. Là, c'est chouette. Voilà, donc ça prend tout son sens aujourd'hui. Ouais. Ok. Alors, j'ai vu dans la programmation, moi, il y a un terme qui m'a... Moi, je suis une curieuse de nature. C'est quoi la pochette surprise ? Moi, je suis... Eh bien, l'année dernière... Manque de chance, au début du festival, lorsque le festival devait démarrer, paf, confinement. Et donc il a fallu trouver une alternative numérique pour donner à entendre de la poésie. Et le format numérique permet ça, parce que la poésie contemporaine, comme je parlais d'hybridation tout à l'heure, la poésie contemporaine, c'est aussi une dimension sonore, une dimension visuelle. Mm-hmm. Donc c'est le croisement de tous les arts, finalement. D'accord. Et la pochette surprise, l'idée est simple, c'est que un invité va proposer à d'autres... Enfin, un poète propose à une autre personne un texte qu'il ou elle choisit en fonction. Et chaque jour, le public peut découvrir... sur Internet, sur le site de Poema, le texte d'un poète, mais choisi par un autre... Ok, donc c'est la vraie pochette surprise. C'est une pochette surprise, et puis ça crée du lien, en fait, entre les personnes et entre les invités du festival. Voilà. Et c'est tout le long ? C'est depuis le début jusqu'au 22 juin, c'est ça, Ça va se concentrer essentiellement autour du mois de mai. D'accord. Alors, on va faire une petite coupure tout de suite musicale, et on revient avec la dernière question. Chambre passionnément. Un peu, beaucoup, pas du tout. Amour toujours, mais pas longtemps. À la folie, passionnément. Un peu, beaucoup, pas du tout. Amour toujours. Quitter de va dévorer l'autre premier. Car pour ne faire plus qu'un, il faudra laisser. Un peu de soin quelque part. Quitter de va dévorer l'autre premier. Car pour ne faire plus qu'un, il faudra laisser. Un peu de soin quelque part. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans Caprice de lecture, toujours en compagnie de Mathieu Olmedo, à qui je vais poser ma dernière question. Mathieu, pouvez-vous nous dire c'est quoi la revue Animal ? Et puis surtout, comment on peut s'abonner si on est intéressé ? Absolument. Eh bien donc, la revue Animal, c'est une revue de poésie contemporaine. D'accord. Maintenant, dans le cadre de Poema, il y a une autre dimension, une autre branche, si on peut dire, qui est éditoriale, où voilà, des auteurs déjà publiés, mais aussi des auteurs qu'on souhaite remettre au goût du jour. Hein, c'est, mm-hmm. c'est arrivé dans ce premier numéro. Peuvent proposer une grande variété d'écritures. Alors, Animal est né l'année dernière d'un désir de faire partager une vision du monde particulière, singulière. À travers la poésie. À travers toujours. La poésie, voilà, esthétique. Okay. Donc, je renvoie au site de Poema les auditeurs pour qu'ils puissent aller D'accord. voir ce que ça peut donner visuellement. Parce qu'Animal, c'est donc deux numéros. L'un au printemps en version numérique et l'un okay. au mois de décembre en version papier. D'accord. Et pour la simple et bonne raison que la version numérique offre aussi une dimension orale, puisqu'elle peut renvoyer à quelque chose qui est plus de l'ordre de la poésie sonore, qui est un des grands pans aussi de la poésie. Ok, qui pourrait recouper un peu le concept de pochette surprise, quelque part, Tout du coup. Tout à fait, c'est lié, sachant que les branches d'exploration de la poésie contemporaine sont nombreuses, et donc ouais. ça peut mettre en valeur ça aussi. D'accord. Voilà, donc concernant la revue Animal, un cahier central à chaque fois dans la revue papier. Ok. Donc avec des pages un petit peu plus longues consacrées à un auteur qu'on choisit en comité D'accord. éditorial. Ok. Et qu'on cherche à valoriser aussi. L'ambition étant de faire vivre aussi les poètes parce mm-hmm. que, sans faire de démagogie, les poètes oui, aussi ont besoin de créer, d'être financés. Voilà. Donc. Les auteurs sont rémunérés dans cette poésie. Ok, dans cette donc revue. Ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Hein? Du coup, je crois que vous allez nous faire, vous, le caprice de la semaine, qui est tiré justement de la revue papier. Et oui, je vais donc lire un extrait de Dominique Mince que j'ai choisi. Ok. Déjà parce qu'il ouvre la revue. Ok, donc, ça c'est une excellente raison. Voilà, c'est la revue qui est sortie l'année dernière, au printemps. Donc, d'accord. Et puis, parce que Dominique Mince est un auteur assez confidentiel, et donc c'est important de, okay. de le valoriser. Voilà. Élégance des goélands traversant Paris sans un coup d'aile, glissant sur la couche inversée d'air chaudement pollué. Deux font la paire de cormorans qui jaillit des fonds brumeux. Bientôt, l'un s'écarte vers la Seine, l'autre obstinément tire son trait vers l'Ourcq. Le premier cède et retrouve l'autre au-dessus de l'immeuble de l'Observateur. 3. Un bel été, mais pas baisé, écrivait la bella estate. Des goélands argentés, Larus argenteus argentatus, nichent non loin de l'église et de la maison des vieux pissent sous eux. Je ne sais où exactement, aujourd'hui je dors. C'est une question à régler. Chaque soir et chaque matin, à pas d'heure, la règle est de luminosité. Ils y vont de grands débats houleux, puis se taisent et s'éloignent par couple ou chacun pour soi. Buffon a très bien écrit sur les oiseaux marins. Merci beaucoup Mathieu. Ainsi s'achève ce numéro de Caprice de lecture qui était dédié au festival Poema qui se déroule du 16 mars au 22 juin. Je vous souhaite de très belles lectures poétiques ou autres et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.